falsetto son aureole. In châtelaine sa tour, tu sais que contient la parole humaine de grâce et d'amour. Charme signe d'un frais sourire triomphant, éclos dans des cordères de cygne et des rougeurs de femme enfant, des aspects nacrés, blancs et accord patricien. Je vois, j'entends toutes ces choses dans son nom.